The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To want. Vouloir. Wine. Le vin. Or. Ou. To eat. Manger. Then. Alors. Now, a bit faster. Wine. Le vin. To want. Vouloir. To eat. Manger. Wine. Le vin. To eat. Manger. Wine. Le vin. Then. Alors. Or. Ou. Wine. Le vin. Now, use the words in context. Vouloir. Do you want some wine? Tu veux du vin? Le vin. I like good wine. J'aime le bon vin. Ou. Red or white? Rouge ou blanc? Manger. I eat fish. Je mange du poisson. Alors. White then. Blanc alors. Le vin. I like good wine. J'aime le bon vin. Alors. White then. Blanc alors.